de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. Nous retrouvons Henri Lenaou pour une nouvelle émission de Hent à Brezhoneg, l'émission 532. Pemkandao à Trégon. Et alors aujourd'hui, dans Guerriou Orvue, on va parler d'un mot qui n'est plus tellement utilisé, mais qui était bien utilisé autrefois, c'est « lé ». Au lé, hein, une lieue. Alors aujourd'hui, le kilomètre a triomphé depuis pas mal de temps, mais c'est quelque chose qu'on entend en particulier dans les chansons encore. Voilà, c'est un mot féminin qui désigne donc la lieue, mesure de distance arrondie, c'était pas tout à fait ça, mais arrondie à 4 kilomètres. Et le mot français et le mot breton ont la même origine, le latin « lega ». Alors, en français, le mot est également assez peu utilisé, mais bon, on le trouve par exemple, hein, on parle des bottes de 7 lieues, par exemple, hein, dans le chaboté, hein, donc 7 lieues. Ça fait des belles enjambées, hein, 7 lieues. 20 000 lieues sous les mers aussi, hein, le fameux roman de Jules Verne. Hein. Et on parle aussi des fois de 100 lieues à la ronde. Hein. Voilà, c'est assez utilisé. Il y a aussi un terme français qui vient de là et qu'on trouve en breton aussi, c'est la banlieue. La banlieue, c'est la zone d'influence d'un moulin, par exemple, qui est à peu près 4 km autour du moulin, quoi. Bandeleon, Brezhoneg, hein. On retrouve le même mot, quoi. Voilà. Alors, en breton, c'est un mot féminin qui est très utilisé dans les chansons, hein, dans les chansons d'autrefois, puisque on exprimait toujours en lieu les distances. Hein. Une once de gousse comme une nante, tienne mogwele nini garante, terre les hanters au handizi, en avait pider monderine. Donc ce soir, je n'irai pas me coucher avant d'avoir vu ma bien-aimée. Il y a 3,5 lieues d'ici chez elle, et même s'il y en avait 4, j'irai. C'est-à-dire qu'il y avait 14 kilomètres à faire. Hein. Fallait avoir le moral. Hein. Surtout que dans cette chanson, il est éconduit finalement. Elle lui recommande d'aller coucher dans l'écurie, Baba Shoshi. Hein. Et puis qu'il aura son petit déjeuner quand même le lendemain matin, mais c'est pas vraiment ce qu'il était venu chercher, quoi. Voilà, Terley Hunter. Il y avait un dicton qui disait « Parous en Igouden, dioulé de Spartout ». Le bourg de Saint-Nicodème a 2 lieues de partout. À peu près 2 lieues, c'est à peu près ça, Locarne, Kergrist, Melpestivien, Pemrit et Trémargat. Hein. Ça fait à peu près 2 lieues. Quoi. J'ai pas entendu grand monde parler en lieu. J'avais un oncle qui était un peu plus mot de cause, disons, et qui parlait toujours en lieu, comme ça. Alors, par exemple, on disait on tombe les, c'est un peu moins de 4 kilomètres, par exemple, entre Trébourg-Purud à Gelors, on tombe les, il y a 3 kilomètres 7. Et alors, Trébourg-Purud à Bourg-Trémalgat, zo olé mat. Ça veut dire quoi, olé mat? Une bonne de lieu, une lieu bien... Ça fait en fait 4 km 7. Hein. Voilà. Alors au Nanterlé pour 2 km et au Hardlé pour 1 km. Il y avait aussi un proverbe qui disait « Zantezan en winet, pemle warnugen de Spartout ». Sainte-Anne d'Auray, Zantezan en winet, c'est Sainte-Anne d'Auray, hein, à 25 lieues de partout. Hein. C'est vrai que quand on part d'ici, quelle que soit la commune d'où l'on part, ça fait à peu près 100 km, quoi. C'est ça. Mais c'est évidemment pas à 25 lieues de partout, quoi. Le pluriel, c'est « Léviou », hein. Ici, on prononce « Léviou », hein. Oui, il y a une lieu qui est bien connue, c'est la Lédrèze, hein. Donc, une longue plage de Saint-Éflam à Saint-Michel-en-Grève, hein. Et il y a également, à Saint-Nic, dans Cornouailles, il y a également une Lédrèze, comme ça, hein. Une lieu de grève, hein. Voilà. Alors, dans celle du Nord, là, au milieu de la lieue de grève, hein, il y a la fameuse croix, hein, Croix Renterlée. Voilà, alors, il y a un mot qui est un autre mot féminin, qui est léviat, hein, hein, qui est le contenu de la lieue. Il y a aussi un verbe, léviathan, hein, léviathan qui est parcourir des lieux. On dit aussi dans certaines expressions « fautant les vieux hein, », c'est-à-dire fendre des lieux, faire accomplir beaucoup de kilomètres, quoi. Alors, une expression aussi au Leegorden, une lieu mesurée, c'est-à-dire, là, c'est précis, hein, comme si on mesurait avec une corde, quoi, avec une chaîne d'arpenteur, quoi. Pour terminer, dans Grégoire de Rostronin, le dictionnaire de Grégoire de Rostronin, qui était un père capucin, qui n'est pas de la famille de Rostronin, hein, qui avait pris ce nom de Rostronin, donc en 1732, il dit que l'enfer se situe à 1250 lieues sous terre. 1200 à Hunterkanli, ce qui fait 5000 kilomètres. Donc on a une localisation de l'enfer. Voilà, c'est pas lui qui a inventé ça, c'était dans la tradition bretonne, la situation. Ben voilà pour les, hein, et puis on peut toujours l'employer, c'est assez, moi j'aime bien, c'est assez poétique. Ça fait plus joli au hard lay qu'au kilomètre. Sais-tu vider les? Éric, Braison Nectan Matam. Et aujourd'hui, quel mot on va voir? Alors aujourd'hui, on va reparler d'un mot dont on en a déjà parlé une fois. C'est le mot blaves, pour le blavet. Le mot blavet, alors qui est un mot pré-celtique en fait. On ne sait pas trop d'où ça vient. C'est d'un peuple qui précédait les Celtes, hein, c'est très ancien, les Celtes en Bretagne. Et donc, le mot qui désigne ce fleuve côtier. Alors, j'ai pensé parler de ça parce qu'au 1er janvier 2017, les trois communes de Lanisquatre, Perrette et Saint-Gelvin se sont associées pour créer la commune nouvelle de Bon Repos sur Blavet. Mmh. Particulier, hein? Oui. Alors, qui associe un Bon Repos qui est un lieu emblématique du centre Bretagne, hein. En breton, dans le temps, on disait « bon arrêt cuyem », je dis souvent ça. On employait le terme latin, hein, c'est « discuis mort » en breton, mais on l'entend des fois aussi, oui. Et sur blavet, puisque bien sûr, c'est le blavet a un côté symbolique. Hein, c'est aussi le canal. Hein. C'est aussi le canal, oui. Ouais. Voilà, parce que le blavet est canalisé. Là. Le blavet, oui, fournit de l'eau pour le canal, quoi. Hein. Voilà, donc c'est vraiment emblématique, hein, c'est un nom très emblématique. Alors cette commune nouvelle, donc, est issue de la fusion de ces trois communes, Et ils viennent d'élire leur maire, d'ailleurs, hein, qui est Michel André, donc, qui était maire de Saint-Gelvin. Et alors, c'est assez compliqué comme montage, parce qu'il y a des maires associés, les anciennes mairies persistent, enfin, oui. c'est... Il y a des choses qui demeurent, c'est pas une fusion totale. C'est pas une fusion totale, oui. C'est quelque chose d'assez nouveau, finalement, quoi. Hein. Voilà. Donc, le Blavet, c'est un fleuve côtier, ce qu'on appelle en géographie un fleuve côtier, qui fait 147 kilomètres de longueur, et qui vient du château d'eau de la Bretagne, le Kreisbreis, hein, puisque tous les fleuves, pratiquement, de Bretagne viennent de là, hein. Le Trieux, le Lierre, le Légué, le Scorff aussi, hein. Pratiquement, ils sont 12 dans un mouchoir de poche, là. Et donc, c'est dire l'importance du Kreisbreis pour la Bretagne, parce que si on n'avait pas le Kreisbreis, la Bretagne serait assoiffée. Et d'ailleurs, cette année où il y a une sécheresse d'hiver, ça commence à poser quelques problèmes. Voilà. Et alors, c'est un trait d'union entre le Kreisbreis, ce Blavet, et le Pays de l'Orient. D'ailleurs, c'était une voie de communication, hein, puisque on sait que Saint-Gilda a remonté le Blavet depuis le sud de la Bretagne. Il s'est installé à Saint-Gilda de Ruys, enfin Ruys au départ, ça a donné son nom, hein, à l'abbaye de Saint-Gilda de Ruys, et puis il a remonté le Blavet comme ça. Et c'est pour ça qu'on trouve des sanctuaires de Saint-Gilda avec une grande concentration ici, hein. Puisqu'il y a à Lanrivain, il y avait la chapelle Saint-Gilda, à Melpestivien, à Trémargat, à Laniscat, à Carnoët. Donc voilà, il a remonté le Blavet. Alors il prend sa source en amont de l'étang de Saint-Lorgan, hein, Saint-Lorgan qui est aujourd'hui dans la commune de Kerrien. Et c'est un mot qui a inspiré les poètes, par exemple Frédéric Bonhomme, qui était poète de Kergris-Moëlou, l'appelle le fils de Saint-Lorgan, le Blavet, le fils de Saint-Lorgan. Alors petit à petit, le Blavet grandit, hein. Entre Pembrite, Lanrivain et Trémargat, il donne naissance depuis 1980 au lac de Carnéhuel, qui alimente en eau potable une grande partie du centre Bretagne. Et dans la vallée entre Lanrivain et Trémargat, il se perd dans le chaos granitique de Toulgoulic. Hein. Voilà, dans la chanson La Rue une Gauze, d'ailleurs, par exemple, hein, Guillaume Le Goff parle du Blavet, hein, à plusieurs reprises, hein, ce Blavet qui est... Donc, et on trouve aussi, il y a une chanson qui avait été écrite par Johan Ebrenberg, sur un affluent du Blavet qui est né Rose, et où il loue le Blavet, quoi, qui est un... Il y a aussi Trop Blavet. Il y a aussi Trop Blavet, oui. C'est ça, c'est sur le lac de... Enfin, non, c'était au bord de... C'était au bord et ça a été englouti. Oui, ça a été englouti, enfin pas tout à fait, mais ça a été englouti, et puis ça a donné un endroit où se déroulent des soirées, des rêves parties de temps en temps. Ça a remplacé les festos d'autrefois. Ça n'a pas remplacé, mais c'est... Non, parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait Trop Blavet aussi, tu m'en avais parlé, Henri. Ah oui, dans les festounons, au moment de la renaissance des festounons, il y avait les chanteurs de Trop Blavet. Hein. Voilà, et le Blavet rejoint le Sulon, ou plutôt le Sulon rejoint le Blavet à Sainte-Tréfine, hein. Voilà, Frédéric Bonhomme dit, toujours très affamé, il avale au passage le glorieux Sulon qui vient gonfler son cours. Il arrose Gouarec, alors le nom de Gouarec viendrait justement d'une courbe du Blavet, hein, puisque Gouarec c'est un arc en breton, quoi. Et puis ensuite il alimente depuis 1930 le barrage de Guerre-les-Dents, puis ensuite il se dirige vers Pontivy. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que tout au long de son cours, la prononciation du nom change, hein. Ici on prononce Blaves, et puis au fond, à mesure qu'on avance, ça devient Blauer, voilà. En vente. Et puis après, bon, il se dirige vers le Pays de l'Orient, voilà. Ben voilà un petit... Il y avait l'abbé Motreff qui avait fait un diaporama justement sur tout le long du Blavet. Je sais pas ce que c'est devenu après sa mort, je sais pas si quelqu'un a encore ça dans ses archives. Mais c'était très intéressant d'écouter l'abbé Motreffe qui racontait cette histoire du Blavet, de la source à l'embouchure. On en reste là, Henri ? Eh ben, on va rester là sur le Blavet. Et on passe à Petra Zonnevervro. C'est le moment de la troisième partie de l'émission La Gazette d'Henri Le Naou ou La Gazette d'Henri Le Naou. Héri, Petra Zonnevervro. Un calze draw et vel juste boire je dis aux hommes. Crogom de diantan et vel quise à custume qu'on a revu et voir armes à velar bourdouar. L'art de Véalise et braise bro en dour, bro en glo. Plus dur, braise zo ba cucho le bro vrance, à garglo ta alise de jeune. Mais de blâme, on est que guire tombait. Plus dur, bouer un éveil en de ce que bé calze d'our, calze zour, pélarine mode, ag ban en sais-tu, blâme zo or zéro par de gouan, pèso, pèsevec gouel d'alise, hein. Or zéro dix, clé gouel un meuse ou isel un d'our, bah, l'en gouerlé dans me plaire de ce que d'our. Bon, ma treize une taille un d'our, vèche pelec, hein. Mais bon, moi, aide un homme zéro en tuyine, hein, à zéroir de vos que d'où du stuvres. Bon, comme j'en vraiment, on tombe de ce l'arbre d'ouar. Drevras, or blaz, au tramé, la dazé, zo béval, vide l'arbre d'ouar. Mais ma trésaine, vous gouez l'arbre blanc. Et vide sa verrien zo laisse, puis la rinbade, half et bout de gouez l'arbre tombe. Cal se produit rien laisse, zo classe comme monde ou arzu, or l'arbre d'ouar bio. À ma treizième vie dernière, où on doit avoir, vie des normes genre de zone, mon ouartu, ouarzu, l'arbre d'ouar bio. Ouar mara de mort, zéblan, trop, mon entam gouelar, marément. Déjà, bah, bla, tramine, de, ouais, gouelar, bla, vie de, prige, ou vie de bla, robe. À ma treizième plus dure, zo, exemple de garde, qui mort, ouar arbitre, et vel, bah, brochine, zo, au goulen brasse, et vie de, rig mort. Un vaisseau et bédim bandet disor ou rien à bord boblance mais j'ai l'art de recensement vidor blad David Perzek puis dur vers red grotte à son temps ben graden disor ou à babro kreis braise en meuse au calze de barouge ou à ne scole d'un temps dernel le scresque d'un temps d'asquir calac de scole d'un temps calac d'ovil d'au handin au chum. À une scole d'un temps, restreint de scole d'un temps, bah, restreint, même, strass, au mur, vite, 3000, mais, colonne d'un temps, boulevrouille, avec son chum, mameuse boat, bah, gwengam, et aide, un temps, man, wardro, même, sera, plusieurs zones, wardro, 16 000 din, pis, n'est que calce, vide, tiers, gwengam, hein, hag Bob Lanz, Grèce, Trouardro, Evel, ma plouvargor, zo spen, pemmile dud benefin, vo tien bras, plouvargor vel gwengam. Ah, bah, zan Nicolas, zo kolle don tom. Tost or deusom, zan i gouden zo am, neus kreske don tom. Plusieurs zo kan perze gat trugen den, o chom, bah, zan i gouden. Bah, purut zo per mur, vid bah, zan i gouden, hein. A purut neus kreske don tom i vei. A spim eus der, kreski, pe, bah, mil no an an ego, a spen, huer kan dut chom, bah, purut. Spenter gwech mu ar vid zo vremañ. Ba mel pisien zo kol d'an tamm, ba kern grez mwel ou un tamm, tre malgan eus kresken de stri dregan. Ya, hag meus ang zo aio tudel oas de chom. Bon, a lokarn eus diz kresken mad, un tamm mad e Edouard Rau. Bon. Boyen de tient en blaz o chanchman ba bro gwenvam, pe dur bromen et Bécrou de GP Tergoéja et GP 3 ZRF GP Strolat Parouge au hir à les dents de ce Inesvri à Bétazanigou de Nome à Carnoët à de nos vis Genver ou à Mvaud bah Gwengamb Mvaud tout de Guzulérien zo Spen Perugen Guzul et Rombomen vide strolat par rouge un dratien tant ou adobre et vel juste vel dermat ba provence et diba pour président vide strolat par rouge rêve le cadre président dermat ou regarde ag dobod ou rank hein ou visant le mot mer plogen trier un trier ag bernard ramon autre ou mer pouvoir bon. A Benefin et Ed Ormau, quand vis en Orméo, ag bon, Pemzegei, président zo Pedra, en fait. Ag no, peo, comme je deserai zo Bavro, am, zo Claudine Guillou, ba Boulevri, ag Claude Lozard, ba Loyuk, maire Loyuk, Alice Bouillot, Itron Vert, Escalac. Bon, Zirai Kalze Dud, Zirai Kalze, quand ce changement, zo ivé, bah, bro, la niscat, plus dur, interbarus, la niscat, zangelven, à pered, zoed, d'operonon. Ag, hanvede, bon repos, sur blavé, ou rank, plus amour, de l'art, zin, brezon, plus dur, discusement, de war, blave, mais un drame de kédis, hein, gougel, vigelard, bonheur, écuyem, brezon, ag, Mère Zangelven, Michel André, zo Renard Mar Bavro, zo Birand, ven mère Barouz Neve. Bon. Ag, mameusement, bécon, ba mur, plus dur, mur à Zangwen, zo être sembleuse d'ober Barouz Gerledan. Ag, zuroir, banam zor de zone, vo gwel et Barouz Joël, au nom de la qu'être semble, d'vidor Barouz au bras, zor. Gwel et vo, pesamo de vo con. Et vision mon tom war dachener politikeres Christian Troidec maire Carrez nous display gren DL Irak 13 et vide er vote adegou vos bamisme et vide ka do président Neve war ce me jontre garde en république mais bon ne ce que dai mais ne ce que carven mais nanter de zinature yo et red carve da grâce au labo roise vide dans le bois en fait à y pointe dans comment on stosse d'Allemagne mais j'onge de rendre ben écada bon bah la rue une vision mon temps bavro hein zobé donne ba blavé zozo calzerac très sous et vide belage en zan d'anton belage en zobé dilesque d'un osque d'une bétine au chômela ag sais-tu ou abézarve de ou ne ba plaie aux eaux orgevridigues mire zan d'anton évite or sort de Grayson Zevenadur ba Grayson Zevenadur elle bas entendre ton ag bon bénéfine white and trop de val non que d'être beta peine ag prenne ou bête un tir tout d'un tir zo bête prenne un grand stroll à par rouge ou crise brise alors c'est CKB agor stalkan ab ouais ben dans le stall y a des noms la chanvrière, mais de Stalz, zo être vraiment de Warek, hag un bon et chomme à des lusques de bel âge. À Triblasso, vraiment, avec Red Trow, pas non. Et vide Orguel, zo hand, de lieu mouvant. À Bremen, zo raktres, et vide obor basan d'Anton, scolue l'Orguelezva, gal, institut du paysage. Raktres, zo zav, quand on a battu d'un dro de Jean Chalit, zo hand a de moi bavro, à ne scrou de lieu mouvant. Hag raktres, zo, vos casses de ben, hein, quand, gant ur gevridigez a gant ur CCKV. Dans mon temps, vraiment, war a dach en zivela du revro. Daou lasso, oa bet daou ugen lasso. Oa bet krou a de tientan skol di wan ma guit almeze. Or skol van me oa, gant pem bugel. A de houl se me jonj, oa ke be gret kal je drouz gant ze, bon, den e ben e jonj, je bet de dispak de skol ze, vellement mais Waller gouscou des ezobé de Vidbreis orguir burzut kamane vigique bidi wan ou anke pesamot vigébé d'en trou vid en braison de gain plus dur Waller zobé de ged kaz skoliu gandi wan ag Waller zobé de crou classe ou dioyez gandi oyez a gandi une mais de a crou en zobé de stumadur yo vid en braison de vid ils disent qu'ils présentent donc des noix d'Orient, on aura Hermès, mais tout d'un trou, je suis au-deux de ce diwan bénéfine. À cette ubamise, mais, bon, j'ai vu d'un diabla, diabla, ce baguit almézé. À Wallon, j'ai vu voir, bacal, ce blas, ou elle, peut dire, c'est au bon endroit, bouise, même stram. Bon, c'est tu, oise, un DL ou abé de, j'ai vu le cadre président Neve de Cusul Zévenadur le Breis, conseil culturel de Bretagne, de l'Arne Ingalac, de l'Acadore président Neve, bas place Jean-Bernard Vigetti, ag Bernes Rouge, au Béchois, j'ai vu c'est Bernes Rouge, au Rendavenmard, un grand œuvre raison d'être vigilant, puis on ne se bélabour, bas France bleu Breisise, là-bas FRTRI. Ag bon on a une mode bavro en même bon c'est tu un temps de spéso neve bavro j'ai de l'arandar tien norvégel morgan j'ai bid de kino Eric.